Amis du hack, bonsoir, bienvenue dans Les Activistes, votre podcast sur l'actualité du hack tous les lundis à 18h pour parler de l'actualité du premier et à jamais club de football français en partenariat avec France Bleu Normandie. Pour nous accompagner ce soir, Romain, cofondateur d'Actu, est avec nous. Salut Romain. Salut tout le monde. Et pour sa grande première par les activistes, Thomas est avec nous. Salut Thomas. Salut et merci pour l'invitation. Au sommaire de ce numéro des activistes ce soir, Dunkerque paie son tribut. Retour sur Dunkerque Hack. Le cigare du pharaon, Raleigh Boutaïd et sa non-qualification, c'est compliqué. Activez-vous et vos réactions, amis auditeurs. Et enfin, une petite brève du hack pour conclure cette émission. Cette émission qui d'ailleurs n'est pas la nôtre, c'est la vôtre. Et nous allons vous le prouver maintenant. Les activistes numéro 8, c'est parti. On retourne donc sur la victoire du hack à Dunkerque, 1-0. À l'habitude, les amis, composition des équipes. Il y avait des absents, entre autres Thiaré, Meras, Fontaine, Alioui convalescent, et nous avons aussi une grosse pensée pour Isaac Touré, qui malheureusement va être absent de l'équipe pendant plusieurs mois. Bon rétablissement à toi. Ça partait déjà avec quelques handicaps. On a vu aussi en composition d'équipe Romain Basque remplaçant. Celle-là, autant on avait vu que son match contre Châteauroux était pas bon, mais celle-là peut-être que c'était un peu dur. Et des jeunes qui complètent le banc. Romain, qu'est-ce que tu as pensé du 11 de départ de Paul Le Guen ? Au vu de l'effectif à la disposition de Paul Le Guen pour ce match, et aussi par rapport à l'adversaire, c'était un promu qui en veut, qui était invaincu chez lui, dans son stade, j'ai envie de dire qu'il fallait proposer quelque chose, qu'il fallait s'adapter. Fallait pas continuer, malgré le peu de joueurs présents, fallait pas continuer sur la même longueur d'onde avec les formations de Paul Le Guen. Et donc moi j'étais assez surpris, assez agréablement surpris, c'est ce qu'il a fait, hein. Il nous a sorti un 3-4-3 du chapeau, qui pouvait se transformer en 5-2-3, enfin en tout cas 5 défenseurs à la perte du ballon pour défendre. Après, peut-être une toute petite surprise sur la non-titularisation de Romain Basque, parce que en tant que troisième défenseur central, ou alors avec le cal au milieu, hein, mais on peut quand même, par rapport à ça, noter un bon retour de Mayembo dans le 11 samedi soir. Après, le cal en milieu de terrain, et qui rentre dans ce 11 de plus en plus, et en plus là, avec le brassard de capitaine, moi je ne peux être que ravi de ce choix. Hein, j'adore ce joueur, je l'ai déjà dit de nombreuses fois ici, qui revient à son niveau individuellement, qui pèse beaucoup plus sur les matchs depuis 2-3 matchs, on va dire. Et puis on va parler de la demi-surprise devant, avec Basile qui était titulaire sur le flanc droit de l'attaque havraise. Alors pourquoi je dis demi-surprise ? Parce que comme les attaquants, on les compte sur les doigts d'une main au hack, on voyait pas trop qui d'autre Paul Le Guen pouvait aligner dans ce match. Voilà. Et je pense qu'encore une fois, avec cet adversaire, qui était un peu... Voilà, c'est un adversaire un peu étonnant quand même. Ils étaient devant nous avant le match, hein, alors qu'ils arrivent tout droit de National. Et donc, je pense qu'il y avait aussi besoin d'un peu d'expérience sur le terrain. Thomas, dans ce 11 de départ, est-ce que toi, tu as eu des surprises ou est-ce que tu rejoins Romain dans son analyse ? Bah, je rejoins amplement Romain. Bon, sauf effectivement... Enfin... Je vais dire, par rapport à Hervé Basile, oui, la demi-surprise, ça m'a beaucoup surpris de le voir. Parce que, si je peux m'exprimer ainsi, j'ai l'impression qu'Hervé Basile, c'est un CDI intérimaire. C'est-à-dire qu'en fait, il est là un peu quand on a besoin de lui, on va dire. Mais effectivement, vis-à-vis de la profondeur de l'effectif, profondeur du banc, en termes d'attaquant, c'est un peu le désert de Gobi. Donc j'ai envie de dire, bah, Paul Le Guen, il doit composer avec ce qu'il a. Et en attaque, bah, effectivement, c'est assez pauvre. Donc bah, il doit faire confiance du coup à Hervé. Et bah sinon, pour le reste, j'étais surpris par le 3-4-3 également. C'est quelque chose que j'ai... Je ne sais pas si j'ai déjà vu au hack cette formation. C'est assez rare. Mais voilà, Paul Le Guen, au moins, il tente des choses. Il compose avec ce qu'il a. Et au moins, c'est tout à son honneur, on va dire. Voilà. Donc, j'ai rien d'autre à rajouter par rapport à Romain, du coup. C'est sûr qu'au niveau de la composition, Paul Le Guen, entre les absents et les joueurs à disposition, a dû un peu bricoler. Au final, cette formation, surtout en plus avec le forfait d'Im Abdelli en dernière minute, oui, en plus, ouais, a quasiment obligé à adopter une tactique expérimentale. Moi, juste la petite surprise, effectivement, Robin Basque, vraiment, il fait un beau début de saison, il se loupe contre Châteauroux, il sort de l'effectif tout de suite. Ouais, ça c'est un peu dommage. Ouais. Et c'est dur. C'est un peu dur, mais bon, on verra si ensuite la suite donnera raison au coach. Première mi-temps de ce match, j'ai envie de vous dire, messieurs, une alerte d'emblée pour Dunkerque, où quand j'ai vu le centre partir de la droite, je me suis dit, oh mon Dieu, finalement, à la première minute, ça part à côté, c'est pas plus mal. 20 minutes ensuite, entre l'ennui et le néant, Et ensuite, un petit coup franc gagnant de Quentin Cornet pour Mayembo. Non, pour Bentil. Ah non, non, pour Basile. Il réussit sur cette action au final. Et ensuite, rien d'autre. Il y a eu cet éclair de Quentin Cornet et ensuite le coup de chausson d'Hervé Basile qui était à deux doigts de transpercer le filet au sens propre sur son but. Mais entre ça, entre donc l'action initiale, le coup franc, je sais pas vous, mais on aurait pu aller prendre un thé, ça aurait pas gêné grand chose. Thomas, qu'est-ce que t'en as pensé de cette première mi-temps? Effectivement, je l'ai trouvé assez insipide, pardon. Pas grand chose à se mettre sous la dent. Et puis bon, bah, finalement, le hack marque, on va dire, sur sa quasiment seule action de cette mi-temps. Sur en plus Hervé Basile, comme quoi il est là quand même, hein, malgré tout, il tente des choses. C'est plutôt bien, c'est ce qu'on attendait de lui depuis le départ. Mais ouais, effectivement, non, pas grand chose à se mettre sous la dent. Comme tu dis, on aurait pu aller prendre un thé, aller fumer une clope dehors, voilà, enfin, ouais, pas grand-chose, hein. C'est vrai que analyser, c'est pas un match évident à analyser, hein. Clairement, c'était assez soporifique. Romain, est-ce que tu as trouvé autre chose dans cette première mi-temps? Non, bon, on a été beaucoup trop dominés pendant les 20 premières minutes. Ben Mohamed, Wuyo, Koulibaly, qui ont cherché longtemps leur marque, hein, dans cette nouvelle formation. Comme tu l'as dit, grosse alerte à la 52e seconde du match. Donc c'était un peu chaud. Heureusement que le Dunkerquois rate sa reprise de volée. Après, j'étais pas surpris de la réaction de Dunkerque. Hein, je les ai trouvés hyper combatifs. Je les ai trouvés à 110%. Vraiment, je les ai trouvés, dans l'engagement, ils étaient très très engagés et je me suis même dit que ça allait pas tenir comme ça tout le match. Après, est-ce que c'est pour ça que petit à petit on a réussi à reprendre un peu le dessus pour arriver jusqu'au but? Je pense qu'il y a de ça, un beau coup de pied encore arrêté, botté par Cornet. Après, à noter qu'il a fait que ça de bien samedi soir, enfin en tout cas de ce que j'ai noté. La tête de Mayembo méritait d'aller au fond. On avait parlé aussi la semaine dernière que le gardien de Dunkerque était très bon, il nous l'a prouvé sur l'arrêt et sur la tête. Et puis Basile qui traîne par là, très bien. On parle quand même d'Hervé Basile, hein, de 18 mois après son dernier but en Ciel et Marine, donc qui l'aurait cru, tant mieux. Et j'ai envie de dire, je qualifierais le score de 1-0 pour le HAC à la mi-temps, un score d'opportuniste. Mais pas totalement immérité, parce qu'au final, Dunkerque, a pas, hormis cette frappe, n'a pas été dangereux. Ils ont eu le ballon sans savoir trop quoi en faire. Et donc après le but, pour l'USLD, rideau, moi j'ai rien vu derrière, et le HAC a géré tranquillement pour arriver à la mi-temps. Et on repartait sur la même en deuxième mi-temps, un match qui ronronne gentiment. On a Gomez et Casimir qui rentrent, ça fait plaisir de voir nos petits jeunes rentrer, en attendant l'éventuelle qualification de Raïd Boutaïm, on en reparlera plus tard. Et hormis ça, une petite frayeur à la 80e où je vois la frappe du Dunkerquois dans le but, et au final ça passe juste à côté. Mais sinon, pareil, un éclair et vraiment pas grand chose. Ça suffira, je pense. Romain, toi, t'as autre chose à rajouter sur la deuxième? Dunkerque n'a pas été dangereux dans le sens où si tu regardes les stats, ils ont pas cadré une frappe. Mais après, on a quand même subi, comme d'habitude, j'ai envie de dire, faut être quand même courageux pour être supporter du HAC, hein, depuis, j'allais dire depuis cette saison, mais non, depuis un certain temps. Oui, depuis quelques saisons. Voilà, je retiens comme toi la première en Ligue 2 de Casimir, faut le souligner. Voilà, le point positif pour moi, on a été solide, ça a tenu, on y a été au courage. Et puis le point négatif, c'est quoi finalement nos certitudes à l'issue de cette rencontre? Elles sont très maigres. On n'a pas de certitude dans le jeu. Moi, je retiens que c'était un match où la tactique mise en place par Paul Le Guen a fonctionné. On peut au moins lui donner ça, parce qu'on a quand même vu qu'il était arrivé avec un tout autre projet de jeu que ce qu'on avait aligné face au Paris FC. Voilà, ça a tenu encore une fois, et puis moi j'avais parié sur un bon vieux 0-0, tant mieux, on a su aller mettre le petit but qui fait la différence à la fin du match, donc tant mieux pour nous, ça nous replace dans cette Ligue 2, parce qu'on a fait un bon classement, on est 6e, on sait que ce championnat c'est vraiment les montagnes russes, hein, deux défaites et puis on se retrouve dans la deuxième partie de tableau de la Ligue 2, et là une victoire et on est 6e, et puis un petit clin d'œil à toi Gilles, t'avais parié sur un 1-0 pour le HAC, alors moi je te dis bien joué, et puis je m'incline. Bon, ça arrive de temps en temps de tomber juste, hein, c'est pas interdit. Thomas, toi, pour toi, cette deuxième mi-temps, c'était le paquet de clopes a continué à être brûlé pendant ce match, ou t'as eu des petits sursauts? Non, évidemment pas. Oui, un peu comme toi, finalement, à la 80e, parce que j'ai cru comme toi aussi que c'était rentré. Enfin, j'ai eu un gros coup de stress, on va dire, un coup de pression. Je me suis dit, oh la mince, ils vont revenir, et encore une fois, à la fin du match, on craque. Moi, j'ai eu l'impression que cette deuxième mi-temps, ça s'est joué sur toute la partie en fait du côté avrain, on va dire, avec un bloc défensif qui a tenu bon, hein, quand même, malgré tout. Et puis, une équipe de Dunkerque qui a quand même essayé des choses. Bon, le HAC a tenu bon, on va dire, mais j'ai trouvé. Par contre, je me suis moins ennuyé que la première mi-temps. Par contre, c'est assez paradoxal. J'ai failli m'endormir, mais le temps est passé vite et du coup, je me suis un peu moins ennuyé, quoi. Donc, non, puis du coup, la rentrée de Casimir aussi qui a fait ultra plaisir. Moi, je suis à fond sur la formation, donc ça m'est arrivé aussi de suivre la. Ça m'arrive souvent de suivre la réserve, donc moi, je suis toujours content de voir que le HAC fait confiance un peu quand même envers ses jeunes. Bon, ça après, on verra après dans les futures analyses, mais à défaut de recruter. Mais en tout cas, voilà, ils ont tenu bon, et puis le 1-0, on prend, quoi. On prend, mais voilà, c'est quand même Dunkerque en face. Ils ont quand même eu la possession, largement. Voilà, je pense qu'il y a encore de quoi se remettre en question après ce match. Mais en tout cas, voilà, le 1-0, on prend. La sixième place, on la prend aussi. Et comme disait Romain, effectivement, par contre, pour moi, il faudra faire une série parce que, effectivement, une défaite, deux défaites, et on retombe dans les travers de la moitié de tableau, voire du bas de tableau. Donc, ouais, effectivement, on va falloir commencer à faire de la série parce que sinon, ça va être compliqué. Je vous incite d'ailleurs, chers auditeurs, à regarder le classement détaillé de la Ligue 2. Vous verrez des fois des choses qui sont quand même étonnantes. Moi, ce qui m'étonne, c'est le peu de buts marqués par la majorité des équipes. Tu as beaucoup d'équipes qui sont à 6-7 buts, donc c'est quand même 6-7, 8 buts, c'est après autant de journées, donc c'est quand même assez faible. Nous sommes, nous, sixième actuellement. Nous enregistrons donc le dimanche en attendant les matchs éventuels qui vont suivre. Nous sommes sixième avec une différence de but négative. Et vous avez Malherbe qui est devant nous avec un but de moins de marqué. Donc, c'est dire quand même que c'est excessivement serré. Cette Ligue 2 est absolument impronosticable, hormis peut-être deux équipes pour lesquelles on a commencé à avoir des certitudes. C'est Paris en haut et Chambly en bas. Dans les joueurs que je tiens à retenir, donc Hervé Basile, je pense que nous sommes d'accord, il a fait une bonne rentrée. On avait déjà vu contre Amiens que peut-être que Paul Le Guen avait dans l'idée de le relancer d'une manière ou d'une autre, et malheureusement son abonnement à l'infirmerie l'a rappelé loin de l'effectif pour jouer, mais en tout cas hier, on va pas dire grand chose de mal sur lui, il a fait le boulot. Il a mis le couvercle sur la soupière quand Mayembo et Bentil n'ont pas réussi à finaliser. C'est très bien, c'est bon pour la confiance. Et on parlait de Romain Basque en début d'émission. Je sais pas vous, mais moi, la rentrée de Romain Basque, j'ai pas aimé. J'ai pas aimé, je l'ai trouvé agressif. J'ai même eu peur à un moment qu'il prenne plus qu'un jaune. Alors, je sais pas s'il est encore, s'il est dans une mauvaise passe ou s'il a toujours pas digéré le fait d'être sorti de son match contre Châteauroux suite à sa prestation en demi-teinte. Mais s'il a été aussi agressif que ça pendant la semaine, on peut peut-être comprendre pourquoi il a pas été titularisé samedi soir. Plus important, c'est la victoire, 1-0, on repart avec les 3 points, on dira vraiment là que c'était l'essentiel, on va prendre des paroles de footballeur. Prochain match, on espère que certains de nos blessés vont revenir et que Paul Le Guen aura un peu plus de matériel à sa disposition pour ne pas subir sa formation, mais plutôt la faire. C'est donc terminé pour ce premier sujet, nous allons maintenant attaquer notre deuxième sujet sur Rabih Boutaïb. Le cigare du pharaon, Rabih Boutaïb et sa non-qualification, c'est compliqué. De quoi s'agit-il ? Dans l'interview d'avant-match, Paul Le Guen a répondu à certaines questions de Benoît Donquel concernant Rabih Boutaïb. Je tiens d'ailleurs au nom d'Actu à remercier le Foot Normand d'avoir capté le moment, car sur la vidéo YouTube de la conférence de presse du HAC, la séquence n'apparaît pas. On démarre juste après. C'est sûrement une pure coïncidence. Sur ce qu'on comprend, en fait, la situation était claire pour Paul Le Guen concernant la situation contractuelle de Rabih Boutaïb, et apparemment, il avait demandé des choses à plusieurs reprises, ça semblait OK, et malheureusement, on apprend là, depuis 10 jours, que Rabih Boutaïb ne serait peut-être pas aussi libre de ses mouvements que ça. Il y avait sûrement des soucis qui devaient être réglés avec le Zamalek, donc forcément, le Zamalek a décidé de ne rien lâcher dans cette affaire, et bloque le certificat de transfert international pour Rabih Boutaïb. On se pose juste quand même quelques questions. Si c'est un joueur libre et qu'il y a encore un souci, pourquoi l'avoir fait signer précipitamment le dernier jour à la dernière heure du mercato? Il était libre, il aurait pu signer plus tard, ça n'aurait pas le gêné. Et maintenant aussi, d'autres questions se posent, c'est qu'est-ce qu'on fait? On attend gentiment la décision de la FIFA, voire du TAS, parce que ça peut monter encore plus haut cette affaire. On passe par des biais fédéraux pour faire accélérer les choses, en demandant aux équipes de Noël Le Graët d'appeler celle de Gianni Infantino pour peut-être mettre le dossier en haut de la pile, ou tout simplement, est-ce que ça ira peut-être jusqu'à une dénonciation du contrat? On n'en sait rien, c'est pas la tendance pour le moment, mais Paul Le Guen, à la question « est-ce qu'il y aura un joker ?», a clairement dit « non, on arrête les frais maintenant, on reste avec les joueurs qui sont là et on parle là-dessus ». Thomas, quel est ton sujet sur cet imbroglio avec Khalid Boutaïb? Ah bah, moi, clairement, j'ai l'impression que le club... entre guillemets, s'est mis la pression tout seul avec le mercato, clairement, par rapport à la réaction sûrement des supporters, par rapport à la réaction d'un peu tout le monde au final. Et encore une fois, bah, ils ont dû faire avec ce qu'ils avaient. Alors oui, on sait très bien que sur les transferts, il y a une concurrence, que c'est compliqué, que ce qui s'est passé avec le Covid, bah, forcément les clubs aussi n'ont pas forcément beaucoup de gros budgets. Mais moi, par contre, vis-à-vis du hack, j'ai entendu une réflexion intéressante d'un ami qui disait que Vincent Volpe n'avait pas non plus forcément l'ambition de trop recruter par rapport justement au Covid. Parce que imagine si la saison est de nouveau interrompue, justement quid de faire des économies. Moi, je pense que ouais, c'est un peu paradoxal. Tu vois, c'est la course finalement pour faire plaisir aux gens, entre guillemets, trouver un attaquant quoi, et puis au final bah peut-être garder raison et puis bah faire des économies. Moi je pense pas que trouver un attaquant ce soit la solution, enfin du moins aller chercher un attaquant. Pour moi, je pense qu'il faut plutôt aller voir du côté, bah, ouais, laisser tenter, enfin laisser la place aux jeunes, peut-être aller trouver 2-3 pépites dans le centre de formation. En attendant, voilà, faire des économies. Pour moi, c'est ça. Et plutôt que d'aller chercher un joueur, encore une fois, dans un pays lointain, avec bah, encore une fois tout un bazar administratif que ça engendre. Donc, pour moi, non, franchement, c'est compliqué. C'est un peu l'embrouille. On a essayé de nous vendre du rêve avec des joueurs jadis comme Ben Arfa, enfin des joueurs comme ça. Voilà, enfin là, faut arrêter, quoi. C'est nous prendre pour des idiots. Faut aller voir ce qui se passe en Europe, en France. On a de très très bons attaquants. Il y a plein d'attaquants moi auxquels j'ai pensé. Enfin, clairement, on peut aller voir à côté de chez nous. Faut arrêter d'aller dans des pays comme ça. C'est vraiment compliqué, quoi. C'est le bazar. Romain, quel est ton sentiment sur le sujet de Khalid Boutaïb? Alors là où je rejoindrais Paul Le Guen et du coup Thomas, c'est que là, faut arrêter avec les frais. Hein, maintenant, le mercato, il est passé. Faut qu'on se tourne vraiment vers la saison. Et tant pis, faut le faire avec ce qu'on a dans l'effectif. Ou peut-être même tant mieux. Hein, si des jeunes viennent à éclore, nous, on demande que ça. On a toujours été friands de ça au HAC. Mais quand même, si on regarde derrière nous, comment c'est possible d'en arriver là? Je veux dire, d'un autre côté, je me dis qu'après tout, si on se refait l'histoire, est-ce qu'on pouvait espérer un autre épilogue à cette histoire d'avant-centre? Parce que on sait quand même que ça démarre avec la perte de Tino en janvier, donc ça commence à merder pour le HAC, j'ai envie de dire. Après, Tino qui s'en va, c'est naturel. Mais quand on reste supporter du HAC, on se dit, bon, ça commence à merder. Tino va partir, il faut qu'on le remplace. Et avant même d'en arriver au recrutement de Boutaïb, on passe quand même par des mois d'attente, de réflexion. Alors certainement qu'il y a eu le confinement, la crise du Covid qui n'a pas arrangé les choses pour aller chercher un attaquant. Après, en juillet, on a des pistes. Mais alors souvent, c'est des pistes, moi j'ai envie de qualifier de foireuses ou de véreuses, parce qu'on a des agents qui vont demander des millions, là où le HAC estime, et à juste titre, que ça ne les vaut pas. Donc là-dessus, on n'est pas à plaindre. On a un club qui a la tête aussi sur les épaules. Hein. Et donc, beaucoup disent, pour en arriver jusqu'à cet achat panique dans les dernières heures du mercato, après, beaucoup disent que le joueur a menti, qu'il a caché des choses au club sur sa situation, etc. Alors moi, je veux bien l'admettre, mais bon, on est quand même en train de parler d'un club professionnel de Ligue 2, on est quand même en train de parler d'un gars qui, à la barre de ce club, est un entraîneur expérimenté, qui a été champion de France, enfin, il me semble bien. Hein. Alors, encore une fois, on n'a pas tous les éléments, on n'est pas en interne au club, mais on peut quand même légitimement se demander comment on peut en arriver là, comment le HAC peut en arriver à cette impasse. Est-ce que, effectivement, c'est une question de pression qui est montée, et du coup, hein, comme je l'ai dit, c'est arrivé vers un achat panique, mais du coup, c'est panique totale, parce que la preuve en est, c'est qu'on n'a pas visiblement tout vérifié et qu'aujourd'hui on est dans l'impasse avec Boutaïb. Moi, si je devais me prononcer, je me lancerai pas dans des affaires à n'en plus finir. Je dénoncerai le contrat, malheureusement. J'ai envie de dire stop et on y va avec l'effectif qu'on a et on réfléchit plus et on y va. Mais surtout, on s'est mis en panique inutilement, car je le redis encore une fois, s'agissant d'un joueur libre, il n'est pas soumis à la règle du mercato. Il n'a pas à subir cela. S'il est vraiment libre. S'il n'est pas libre, ça c'est autre chose. Ça peut encore poser un souci, mais normalement un joueur libre a le droit de s'engager avec n'importe quel club, à n'importe quel moment de la saison, je crois, au moins un minimum jusqu'au 31 janvier. Si vraiment on voulait faire Boutaïb, c'était pas la peine de se précipiter, de faire la photo dans les locaux du stade Océane avec la nuit autour pour bien dire « oui, il a signé avant minuit, et c'est bon, c'était pas la peine, on aurait pu tout à fait attendre ». J'aimerais juste qu'on se pose juste 2-3 questions, c'est que effectivement, dans le cadre de certains transferts, on pose toujours 2-3 questions. Je pense que quand vous avez subi votre embauche, on vous demande toujours votre numéro de sécurité sociale, justificatif de domicile, des trucs comme ça, et vous cochez. Et puis, si à la fin, ça manque quelque chose, il peut y avoir un petit souci. Voilà, j'ai juste dit, c'est sûrement une petite coïncidence. Mais le problème, c'est que ça s'accumule avec d'autres choses. C'est que j'aurais quand même... On aurait aimé, sachant que c'était un choix qui apparemment a été discuté depuis plus de 6 semaines au moment de la signature du contrat. Paul Le Guen avait dit que ça faisait plus d'un mois et demi qu'ils étaient en contact et que à chaque fois, c'est « oui, ça va arriver, ça va arriver, ça va arriver » et qu'au final, on se rend compte « ouais, non, c'est toujours pas arrivé ». C'est dommage, c'est rageant. Tant mieux pour les jeunes qui vont avoir du temps de jeu de manière forcée, étant donné que la recrue offensive va pas être là. Mais c'est vraiment dommage d'avoir fait tout ça pour en arriver là. Encore une fois, ça arrive sur le hack. Je veux bien croire que ce soit compliqué, mais à un moment, faut resserrer deux, trois boulons et demander un peu d'exigence au lieu d'avoir de l'indulgence. Là, maintenant, un petit peu d'exigence, ce serait pas mal sur ce sujet. Surtout quand cette exigence est demandée par le président lui-même lors de ces deux points qu'il nous fait en fin de saison, où je me souviens très bien la première année, il a quand même mis le doigt sur des manques en interne au hack, et il est revenu là-dessus cette année, et lui-même demande plus de rigueur à l'intérieur de son club. Si vous êtes d'accord avec moi, enfin moi c'est le message que j'avais entendu au moins la première fin de saison. Thomas, tu as entendu la même chose que Romain, toi, sur les vidéos de Vincent Volpe? Ouais, les fameux PowerPoint de management, je me serais pris en cours. Non, mais je vais rejoindre Romain aussi. Mais moi, il y a un truc qui me chiffonne, c'est qu'en fait, on a un président finalement qui n'est quasiment jamais présent, pas jamais sur place. Et pour moi, un président, il doit être physiquement dans son club. C'était le cas. Bon, on va encore dire ouais, mais bon, il parle de Jean-Pierre Huro, il parle de Louvel, etc. Mais ouais. En attendant, eux, ils étaient présents. Et au moins, tu sentais que dans l'organigramme, c'était pas le bazar, tu vois. Et là, t'as l'impression que il part et puis que c'est un peu la foire d'empoigne quand il est pas là, quoi. Donc pour moi, un président, il doit être physiquement sur place. Donc c'est bien de faire des PowerPoint avec les ambitions, avec tout ce qu'on veut, mais il faut aussi que le président soit, pour moi, physiquement présent. C'est un président, il a une aura naturelle, et quand il est présent, normalement ça va rouler, quoi. Donc je sais pas ce que vous en pensez, mais moi en tout cas c'est mon avis. Moi j'avais remarqué que il y a certaines saisons, effectivement, bizarrement, les moments mauvais pouvaient correspondre à des moments où Vincent Volpe était en déplacement d'affaires, et que bizarrement quand il revenait, il y avait un sursaut. Donc oui, pour moi Vincent Volpe, la présence physique de Vincent Volpe peut jouer, dans un sens qui est pas anormal, c'est que Vincent Volpe a mis de son argent, c'est lui le patron. Et que si à un moment, même si Pierre Ventier peut mettre toute la bonne volonté et tout le professionnalisme du monde, à un moment, les sous, c'est Volpe qui les a mis. Donc c'est aussi Volpe qui peut, par sa seule présence, faire comprendre à certaines personnes que le boss est là et que maintenant tu fais comme on a dit. Ensuite, c'est juste un problème d'autorité, et ça c'est un gros souci aussi qu'on a dans le football, et particulièrement dans le football français. Je pense qu'on a fini sur le sujet, messieurs. On ne saura pas, en espérant qu'on ait une bonne nouvelle prochainement, ou que ça avance. Mais qu'on résolve vite ce souci, ce serait pas mal. Nous en avons fini, nous, avec nos sujets. Maintenant, chers amis auditeurs, c'est à vous de prendre la parole. Activez-vous, c'est parti. Romain, tu as compilé quelques bonnes réactions de la part de nos auditeurs et de nos chers internautes. Qu'est-ce que tu as retenu dans ta besace concernant les deux sujets évoqués ? Alors je vais commencer par le sujet Boutaille, vous imaginez bien que ça a fait beaucoup réagir sur les réseaux. Je vais commencer par un petit tweet de Benoît Donquel de la presse Havraise, qui pense que le club n'y est pas pour grand chose quant aux soucis juridiques par rapport à Boutaïb, si ce n'est d'avoir pris le risque d'attendre les dernières heures du jour du mercato. Donc ça on en a discuté. Il y a des réactions un peu plus dures où Ciel et Marine @Sackman nous demande c'est quoi ce club d'amateurs. Et puis on a Célic 4 qui nous parle d'un staff technique et administratif onéreux, un président qui nous fait des processus sur PowerPoint chaque fin de saison pour tout analyser de la buvette aux chambres d'hôtel, et le club n'est pas responsable de savoir si un joueur est en règle ou pas. Mieux vaut en rire. Ensuite, ça me rappelle un petit peu, si vous vous rappelez, c'était le fax de Laurent Fournier pour PSG JTO à Bucarest. Il y avait un peu de ça, quoi. C'est, ça, le mec ne savait pas qu'il était suspendu. C'est un peu ça, quoi. On est à peu près dans ces zones-là. Ouais. On a Ronan qui va rejoindre un peu le discours de Thomas, qui dit que c'est regrettable la situation par rapport à Boutaïb, mais qu'on a des jeunes qui vont éclore. Il cite Bentil, Alioui, Mahmoud, Gomez et Casimir, sans compter sur Basile, qui pourrait être la bonne surprise de cette saison. Et je tiens à dire que ce tweet datait d'avant le match, donc bien vu Ronan. Puis on a Roméo qui dit « Difficile de lire clairement la stratégie du club entre les discours et les faits. Maintenant, vu les prestations des cadres, lançons les jeunes dans le grand bain. » Voilà, donc je pense que ça rejoint aussi ce que disait Thomas. Maintenant que j'ai envie de dire, faut pas qu'on se lance dans une affaire Boutaïb, il faut certainement passer la page, tourner la page et lancer nos jeunes dans le grand bain. Thomas, t'en penses quoi? Ah, exactement, t'as tout à fait bon. Et quand tu regardes finalement, pour moi, si tu reprends les 5 dernières années par exemple, la dernière sensation en attaque, c'était Moussé. Il nous a carrément fait vibrer, hein, clairement. Après, voilà, on a eu Ferland Mendy, on a Deli, Badé, Pape Gay. Enfin, franchement, c'est des joueurs qui ont progressé à une vitesse. J'ai oublié le Sergent Moukoudi aussi, forcément. Mais voilà, c'est des joueurs qui ont progressé à une vitesse, qui se sont mis dans le grand bain, qui étaient vraiment bien, qui étaient bien en Ligue 2. Voilà. Et effectivement, pour moi, aujourd'hui, à défaut d'un recrutement, alors je dis pas un recrutement mauvais, hein. Pour moi j'ai trouvé plutôt moyen, on va dire, parce qu'il manque, ouais, le super attaquant entre guillemets, bah pour moi voilà, faut combler les manques avec ces formations. Et justement, comme tout à l'heure tu disais en amont, bah cette année par rapport à l'affaire Boutaïb, bah pour moi, ce sera propice à lancer des jeunes et avec des. J'espère qu'on aura des belles surprises. Et puis, pourquoi pas aussi l'émergence de. Enfin, on va dire, d'Hervé Basile. Parce que, bon, au salaire qu'il est payé, j'ai envie de dire, il va falloir aussi un peu qu'il justifie quand même son statut. Donc, voilà, effectivement, tout ça, ça peut faire une belle alchimie, ça peut faire une belle surprise. Moi, en tout cas, j'y crois, j'ai toujours été un défenseur de la formation, parce qu'il ne faut pas oublier quand même que c'est quand même un des piliers de notre club. Et bon, effectivement, bah voilà, à défaut d'un recrutement, on va dire, au top, et bah pourquoi pas, voilà, jouer sur cette formation qui était, je rappelle, excellente, qui est dans l'excellence. Donc voilà, moi c'est comme ça que je le vois et j'espère vibrer avec ces jeunes. Romain, est-ce que tu as d'autres commentaires qui ont retenu ton attention? Alors ouais, maintenant je vais passer sur. J'ai deux petits tweets sympas là en avant-match. Toujours Ronan d'ailleurs qui dit que pendant que certains estiment qu'il est encore un peu tôt pour lancer nos jeunes, Momo Sissé, lui, a joué ses premières minutes en Bundesliga. Donc je pense que Ronan a été content de voir les jeunes sur le terrain rentrer au moins hier en deuxième mi-temps, là, puis avec Godwin Beltin qui était titulaire. Et puis Renaud, qu'on avait reçu dans les activistes, dans le hors-série des activistes, avant le match, il nous dit a priori un 3-5-2 ce soir. Et figurez-vous que ce 3-5-2, Renaud en a parlé dans son interview. Et c'est ce qu'il souhaitait voir comme formation avec l'effectif actuel au HAC. Donc il se demande si Paul Le Guen a écouté l'émission des activistes et d'Actu FR, parce qu'il avait proposé cette formation. Et donc avant le match, il dit par contre, on a intérêt de gagner, mais ça me plaît, car le jeu sera mieux, je pense. Alors après, le jeu, c'est peut-être à discuter, ça n'a pas forcément été beaucoup mieux, mais on a gagné. Donc ce qu'il faut retenir, c'est les 3 points, et surtout que Renault avait réclamé cette formation et qu'il l'a eu. Et après, je vais passer sur des réactions d'après-match. On a Butch Hack qui nous dit que le match n'était pas flamboyant, qu'il va retenir les 3 points. Il note là un bon retour de Mayembo dans la défense. Et puis le but de Basile va-t-il le relancer? Et il demande à enchaîner, hein, il demande une série. Pour moi, donc pour Fanatic 76, c'est aussi la victoire de Paul Le Guen. Il a osé un schéma avec beaucoup d'absence et il a réussi. Je suis d'accord que le jeu n'est pas flamboyant, mais je sentais le coup sur des contres ce soir. Et quelle fierté nos jeunes de la KV sur le prêt. Et merci Miraculous Basile pour les 3 points. Donc en gros, bon, les gens retiennent un peu tout ce qu'on a pu se dire dans cette émission aujourd'hui. On a des tweets de Guillaume, plutôt sur un ton humoristique, qui dit aussi, si toi aussi tu as des tendances masochistes, rejoins-nous au HAC. C'était avant le match, je crois. Je crois que c'était avant le match, mais oui. Ouais, mais c'est possible. Et après, pendant la deuxième mi-temps, il a dit, si je devais me mettre les noix entre les fesses à chaque match du HAC, je pourrais ouvrir une usine d'huile d'arachide tellement c'est tendu pendant 90 minutes. Voilà. Non, mais on le sait, voilà. Parce qu'on est supporter du HAC, c'est à mi-chemin entre le sacerdoce et le masochisme, mais si on y revient toutes les semaines, c'est qu'on l'aime, ce club, quoi. Exactement. Voilà. Et puis je voudrais juste parler de François Manoury qui n'était pas aux commandes hier soir sur France Bleu, mais qui était avec nous sur Twitter. Il a fait un grand yes à la fin du match, solide, efficace, la recette est là. Le contenu, on s'en moque, il n'y a personne dans le stade. Bravo à son remplaçant qui l'a remplacé là au micro de France Bleu hier soir et qui lui demande de bien rentrer, surtout avec les 3 points dans les bagages. Donc je pense qu'il a été écouté et les 3 points sont là. Et puis François revient aussi sur le début de saison où il dit que tout n'est pas simple depuis le début de saison. L'affaire Boutaïb, Victor Lecal, les suspensions, les blessures. Il dit que ça va, que le Covid n'a pas encore été trop méchant avec nous, hein, toute proportion gardée. Et en attendant, il nous rappelle qu'on n'est plus qu'à 1 point du deuxième. Et il rappelle aussi qu'il ne s'emballe pas, mais qu'il fait juste un petit constat à l'instant T. Et moi, je trouve ce constat plutôt sympa aussi. En tout cas, oui. On en est là à ce moment-là. On n'est pas encore définitivement largué. Cette Ligue 2 est définitivement impronosticable. Mais je ne sais pas vous, mais moi, François Manoury, ça fait plaisir d'avoir un baiser au micro. Ça change tout. Ça, c'est ma petit salut amical à François, où vraiment, il a pris en main son Twitter rapidement. Et ça fait plaisir d'avoir un vrai au micro pour commenter le hack, c'est vraiment très très sympa. Petite brève pour terminer, messieurs, nous en avons l'habitude. Bref du hack, c'est maintenant. D'un local à l'autre, nous avons vu passer ça. Lucas Lecal, le petit frère de Victor, se débrouillait très bien en e-sport. Il a eu de très très gros résultats depuis le début de l'année. Bien, nous le félicitons parce qu'il est passé professionnel e-sport dans l'équipe de l'OL. Donc nous lui souhaitons toute la réussite possible et que si pour sa première il a réussi à obtenir des résultats, on ne sait pas où est-ce qu'ira le petit frère Lecal. Est-ce que vous avez un petit avis à ce sujet, Thomas? Moi, je suis fan de jeux vidéo, donc j'ai suivi les aventures du petit frère de Victor. Et déjà, je tiens à le féliciter parce que c'est pas forcément évident les tournois de FIFA. Moi, je joue un peu, donc forcément, je sais ce que c'est. Mais voilà, c'est sport collectif, ça demande quand même de la technique, donc bravo à lui. Par contre, j'ai un petit bémol, on va dire. C'est que, finalement, c'est un petit jeune, il perce, et c'est comme au vrai foot. Finalement, il va partir ailleurs tout de suite. Hein. J'ai regardé vite fait. On a une petite structure e-sport, mais finalement, c'est un peu comme le club de foot. C'est que dès qu'il y a un jeune qui perce, direct, il va partir ailleurs. Quoi. Et je me suis dit, mince, le pauvre. Après, c'est bien pour lui. Hein. Si ça le permet après d'avoir plus de notoriété, plus de sponsors et compagnie, tant mieux. Mais voilà, encore une fois, toi, c'est marrant. Il perce et puis hop, il part direct. Quoi. Donc, encore une fois, j'ai rien contre lui. Hein. C'est très bien. Il faut qu'il le fasse. Hein. Voilà. Pas rester. Malheureusement, on voit que c'est inséré d'une petite structure, pas forcément bien regardé, mais voilà, c'est un peu comme le vrai foot au final, donc c'est un peu ce qui m'a amusé, du coup. C'est l'histoire de la vie, c'est un peu ça. Romain, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose au propos de Thomas? Non, je voulais féliciter le petit frère de Victor, donc Lucas, je lui souhaite toute la réussite possible dans le domaine du e-sport. Et effectivement, après c'est malheureux, mais s'il faut qu'il aille jouer dans l'équipe de l'OL pour éclore dans ce domaine, voilà, je lui souhaite de continuer et de réussir. C'est fini pour ce soir. Nous vous remercions de nous avoir suivis. Pour ne pas manquer nos prochaines émissions, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, laissez un pouce bleu, un commentaire et mettez la cloche afin d'être prévenu dès la sortie. Nous sommes également disponibles sur toutes les plateformes de podcast, y compris iTunes, depuis ce numéro. Rejoignez-nous sur Twitter, @actu_fr, avec le hashtag activiste au pluriel, ainsi que sur notre site actu.fr pour recevoir nos alertes articles et participer au concours de pronostics. Vous pourrez nous retrouver dans les journaux matinaux de notre partenaire France Bleu Normandie chaque jour de match. Retrouvez également 100% Ciel et Marine du lundi au vendredi, entre 18h et 18h30. Avec François Manoury et Greg Godefroy, vous pourrez gagner des places pour les matchs du HAC au Stade Océane, s'il y en a encore, en fonction des conditions bien évidemment. Nous vous souhaitons une bonne soirée, à bientôt pour le prochain numéro des Activistes, et en attendant, allez le HAC !